Alors, frères et sœurs, c'est toujours merveilleux de relire, relire et relire sans cesse l'Évangile. Et ce matin, je suis encore émerveillé de voir que ce texte que nous connaissons par cœur, encore une fois, cette multiplication des pains que nous avons lu, relu, ce pain que nous mangeons tous les jours, ce pain de l'Eucharistie, eh bien, il a toujours quelque chose de nouveau à nous enseigner, à nous dire. Et alors aujourd'hui, vous voyez, ce qui me frappe dans ce texte, c'est, en préparant un petit peu cette homélie, c'est que je me suis arrêté sur le fait que Jésus parle, que l'Évangile dit, au moment de distribuer les pains, qu'il dit, après avoir rendu grâce, vous savez, il est là avec tous ces hommes et ces femmes qui sont devant lui, il y a des milliers de personnes, on dit 5000 hommes, donc il y a aussi les femmes, les enfants, donc ils sont des milliers, et puis il est là, et il vient de demander à ses disciples, eh bien, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur donner à manger? Vous savez, il les met à l'épreuve, il demande à Philippe. Et puis Philippe répond, on n'a rien à leur donner. Enfin, il faudrait 200 journées de travail pour les nourrir. Enfin, Jésus, tu vas leur parler, ce sera bien assez, et puis ils iront se nourrir tout seuls. On va quand même pas vider tous nos comptes en banque pour nourrir toute cette foule. Et puis juste après, André risque une petite proposition en disant, ben voilà, il y a 5 pains, 2 poissons, c'est tout ce qu'on a. C'est rien pour tout ce monde. Mais vous voyez, derrière cette petite proposition, il y a quand même un petit acte de foi. Sinon, il n'aurait jamais proposé ça. Il aurait dit, bon, ben, reste avec tes 5 pains, 2 poissons, on va pas embêter le maître, il faut trouver une autre solution. Mais vous voyez, Jésus, ce qu'il fait à ce moment-là, c'est qu'il prend les 5 pains, les 2 poissons, il lève les yeux au ciel et il rend grâce au Seigneur pour ces 5 pains, ces 2 poissons. Et juste après ça, il distribue aux convives. Vous voyez, cette fois-ci, il ne s'agit plus de foule. Ce sont des convives. Et c'est là que nous comprenons ce qui se joue maintenant. C'est qu'en réalité, cette multiplication des pains, elle était organisée par le Seigneur depuis toujours. Cette multiplication des pains, c'est un repas que le Seigneur avait préparé. Depuis toujours, hein, ce grand moment où toute cette foule arrive. En fait, ce sont les convives, les invités au repas du Seigneur. C'est ça, cette multiplication des pains. C'est pas juste, eh bien, ils sont des milliers, bon, à venir voir Jésus comme ça, et puis, ben, faut bien leur donner à manger. Non, c'est un repas qui a été préparé depuis toujours. Et là, nous comprenons vraiment à quel point ce texte, ce signe que Jésus fait, préfigure le grand mystère de l'Eucharistie que nous allons célébrer dans quelques instants. Ce grand repas du Seigneur, qui n'est pas un repas, comme vous le savez, plus que ça, qui est surtout la grande invitation à célébrer ensemble le grand mystère de la rédemption, c'est-à-dire le mystère du sacrifice de Jésus sur la croix. Alors, vous voyez, Jésus va distribuer ses 5 pains, ses 2 poissons, et bien sûr, tout le monde va avoir à manger avec 5 pains et 2 poissons, vous vous rendez compte? Tout ça est bien orchestré par la providence de Dieu. Alors, ce qu'il veut nous dire aujourd'hui, hein, c'est que, d'une certaine manière déjà, nous sommes ici invités par lui, et que tout ce que nous vivons dans notre vie, voyez, toutes les circonstances de la providence, c'est en réalité l'œuvre de Dieu. Tout est prévu par le bon Dieu, tout est prévu par lui, tout est préparé par lui, tout ce que nous vivons. Alors nous fuyons, hein, en permanence, nous essayons de faire notre petite vie de notre côté, surtout loin du Seigneur. Ah, bien sûr, on ne cherche pas à s'éloigner volontairement de lui, mais parfois, vous voyez, on est comme ça, on est renfermé sur nous-mêmes. Mais en fait, Dieu prépare toutes les circonstances pour nous ramener vers lui, pour nous inviter à ces grandes noces de son âme. Et même quand nous avons des épreuves terribles, vous voyez toutes ces foules qui sont là, pourquoi est-ce qu'ils sont là? Mais parce qu'il y en a un qui a un enfant malade, parce qu'il y en a un autre qui a perdu un proche, une qui vient d'enterrer son fils. Vous voyez, chacun est là avec ses épreuves et ses terribles et ses douleurs. Et ils viennent là, en fait, invités par le Seigneur. Et tout ce qu'ils ont vécu, qui les emmène ici, qui les emmène sur le bord de cette montagne, au bord du lac, eh bien tout cela est prévu par la Providence pour que chacun puisse aller au Seigneur. Alors vous voyez, on peut voir les choses de deux manières. Soit on dit, oh, c'est la catastrophe dans le monde, c'est la catastrophe dans la vie, tout va mal. Et donc on se morfond et on perd de vue la foi. On perd de vue le fait que Dieu est là, qu'il y a des anges partout, que la providence est à l'œuvre, qu'il est même capable de changer le cours des choses, le cours normal de l'existence. Vous voyez, il est quand même capable de passer outre les lois de la physique. Qu'est-ce que vous voulez, 5 pains de poisson? Comment est-ce que vous allez nourrir 5000 hommes? Et puis ensuite, vous ramassez 12 paniers. C'est bien que... Vous voyez, le bon Dieu, il est le bon Dieu, oui ou non? Il peut faire ce qu'il veut. Et il le fait d'ailleurs. Et donc dans notre vie, vous voyez, si nous sommes sans cesse en train de rechigner, en train de rechigner contre le Seigneur, allez, on va dire comme ça, on ne se laisse pas prendre par la providence, voyez, on peut simplement faire comme André, proposer, Seigneur, il y a 5 pains et 2 poissons, j'ai pas grand-chose, mais j'ai foi en toi. Je sais que, bien, tu vois, tu m'as donné quelque chose, un petit quelque chose, et je sais que tu vas me combler. Alors, tout ça, c'est fait pour nous ramener au Seigneur. Tout ça, c'est fait pour que nous allions vers Dieu et que nous le rencontrions et surtout que nous nous unissions à lui. Parce qu'à travers ces 5 pains et ces 2 poissons, nous avons compris que c'est déjà le corps de Jésus qui est donné à manger. Ce corps de Jésus qui veut s'unir à notre corps, qui veut descendre dans notre âme, qui veut venir nous nourrir, pas seulement physiquement, mais vraiment dans notre esprit, dans notre âme, dans tout notre être, pour que nous puissions entrer dans la gloire, hein, au dernier jour où il faudra nous abandonner totalement entre ses mains, dans la confiance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.